coisa sua lá, viu? Nogun buen juventud saque mueve sue. Sangu mu perdi sans la vie moi. Ou toujours là pour clairer chimé moi. Papa, ma perdi si ou pas gain contrôle vie moi. Vin habite nan mwen, pran plas ou nan vi mwen. Fòt kèm louvri papa, pou vin renyè. Vin habite nan mwen, pran plas ou nan vi mwen. Fòt kèm louvri papa, pou vin renyè. Papa mwen vle si pran satisfè dezi mwen. Malgré tout sa m genyen toujou kon vit nan mwen. Mè lè m ap viv prezan sou, se lè sa m santi m byen. Mwen fè plas pou rete, sou ple pa deplase. Non, non, yeah. Vin abite nan mwen, pou ap plas pou nan vi mwen. Pou kem louvri papa, pou vin renyè. Vin abite nan mwen, pou ap plas pou nan. Dans la vie, papa. Vini, vini, dans la vie.